charmant qui m'a manqué. Souvent, je sais le pain, les allumettes, le quotidien et puis les dettes ont tué notre amour et plus rien ne changera, plus rien ne changera mon décor. Ton amour d'alors comme un fruit mal givré a fondu dans un été trop têtu, bien trop têtu, je crois. Si tu reviens, change pas ta tête, ton foulard indien, tes cigarettes, ne fais pas le détour du boucher. Je crois qu'il a été payé. J'ai pris soudain ma guitare sèche et je chante depuis sans tristesse nos amours enfuis un matin quand il manquait du pain, un tout petit peu de pain quotidien. Ton amour d'alors comme un fruit mal givré a fondu dans un été trop têtu, bien trop têtu, je crois. Si tu reviens comme une fête, n'oublie pas le pain, les allumettes, les clés sont chez le même voisin. Je crois qu'il s'en souvient, je crois qu'il s'en souvient. Si tu reviens